D'aucuns le prédisent, ce sera le prochain. Le prochain pays à subir les coups des Américains dans leur lutte contre le terrorisme et les États voyous, comme ils les appellent. Il s'agit de la Somalie. Accroché à la Corne de l'Afrique, ce pays quasi désertique, ruiné par les guerres civiles et où règne toujours le plus grand chaos, abriterait certains camps d'entraînement d'Al-Qaïda, l'organisation de Ben Laden. Vrai ou faux, nous en parlerons avec M. X. En tout cas, nombre de dirigeants américains en sont persuadés. Et au Pentagone, les généraux brûlent d'en découdre avec les Somaliens. D'autant plus qu'ils ont une sérieuse revanche à prendre. En 1993, lors de l'opération Restore Hope, restaurer l'espoir, les GI ont subi là-bas une humiliation qui a rappelé aux Américains les pires heures de la guerre du Vietnam. Et je suis sûr que vous non plus n'avez pas oublié les images de cette époque. Ça avait commencé par le spectacle épouvantable de ces enfants squelettiques et affamés, des milliers, des centaines de milliers de gosses, de femmes et d'hommes promis à une mort certaine. Puis il y a eu ce spectaculaire débarquement des troupes américaines filmé en direct par des dizaines de caméras de télévision. Et enfin, quelques mois plus tard, cette vision cauchemardesque d'un GI traîné dans la poussière derrière un 4x4 somalien. Peu de temps après, les Américains quittaient le pays. Monsieur X avait donc de bonnes raisons de me proposer cette semaine de m'intéresser à la Somalie, possible prochaine cible des États-Unis, et de revenir sur ces événements et les véritables enjeux de l'opération Restore Hope. Bah, disons-le tout de suite, en 1992, il fallait intervenir en Somalie. Ouais, pourtant, cette intervention massive n'a pas servi à grand-chose, puisque la situation est encore plus déplorable qu'autrefois. Hein. Mais c'est vrai qu'il y règne la plus grande anarchie. Il n'y a plus d'État, seulement des ruines. Et la situation des Somaliens est toujours plus précaire. Oui. Mais si incontestablement cette intervention internationale patronnée par l'ONU s'est traduite par un échec, il ne faut pas quand même noircir exagérément le tableau. Grâce à cette opération humanitaire, des centaines de milliers de vies ont été sauvées. Oui, mais enfin, est-ce que c'était seulement une opération humanitaire? C'est la vraie question. Et toutefois, avant de répondre, il faudrait peut-être revenir un peu en arrière. Vous avez encore l'intention de me faire un petit cours d'histoire? Pourquoi pas? Ouais. Le pays d'abord. Il est très peu peuplé. Au début des années 90, on estime qu'il compte 7 millions d'habitants sur un territoire un peu plus grand que la France. Oui, mais une grande partie de la Somalie est désertique. Oui, vous avez raison. Enfin, il existe aussi des régions très fertiles. Toutefois, les Somalis sont essentiellement des pasteurs nomades. Une population culturellement homogène, partageant les mêmes traditions, la même langue et la même religion, l'islam. Alors pourquoi ces divisions, ces guerres civiles incessantes? Ce ne sont pas des conflits ethniques, hein, comme dans d'autres pays africains, mais des confrontations entre clans. Ces clans ayant tous à leur tête des seigneurs de la guerre, fiers, belliqueux, particulièrement jaloux de leur autorité. J'ajoute, et c'était excessivement important, que la Somalie, avant l'indépendance, n'a jamais été constituée en État. Il n'y a jamais eu un État, donc Somalie ou Somalien. Mais l'indépendance, justement, alors, quand intervient-elle ? En 1960, ah oui. Les deux puissances coloniales, la Grande-Bretagne au nord et l'Italie au sud, s'effacent et le pays est unifié. Mais il existe des populations somalies ailleurs, à Djibouti, contrôlée par la France jusqu'en 1977, ou encore en Éthiopie. L'Ogaden. Oui. Et cette région sera l'objet de perpétuelles revendications de la part des autorités de Mogadiscio, rêvant de constituer une grande Somalie. On en reparlera, si vous voulez bien. Il y a aussi des Somalies au nord du Kenya. Et là, également, on connaîtra des troubles. Mais enfin, j'imagine qu'à cause de sa situation géographique exceptionnelle, hein, au débouché de la mer Rouge, ce pays a fait l'objet de nombreuses convoitises. Naturellement, hein. Et depuis très longtemps, la Somalie, c'est le légendaire pays de Punt, comme l'appelaient les Égyptiens de l'époque pharaonique. Ah, ouais. La côte des aromates, où l'on récoltait la cardamone et l'encens. Mais c'est après le percement du canal de Suez que la région a pris toute son importance. Ouais, ça me paraît évident. C'est pourquoi les grandes puissances de l'époque ont voulu s'y établir. C'est certain. Ouais. Oui, à partir de la Corne de l'Afrique, on peut en effet contrôler le trafic maritime vers l'Asie et le Golfe Arabique. Et d'ailleurs, les deux super grands du XXe siècle vont se livrer à un curieux chassé-croisé en Somalie. Bon, n'allons pas trop vite. Ce qu'il faut noter, c'est que lorsque le pays accède à l'indépendance en 1960, il jouit d'atouts très sérieux. Bah, par exemple, alors. Bah, je vous ai déjà cité l'unité ethnique. Oui, ça c'est important en Afrique. Bon. L'existence d'un authentique sentiment national. Il y a aussi la présence d'élites formées par le colonisateur. La Somalie dispose d'un grand nombre de médecins. Mmh. Enfin, les dirigeants somaliens ont l'intelligence de doter le pays d'une constitution démocratique. Et la presse y sera longtemps libre. C'est en effet tout à fait exceptionnel en Afrique. Oui, oui, les premières années après l'indépendance se passent plutôt bien. Même si, à plusieurs reprises, le gouvernement somalien cède à la tentation irrédentiste. Oui, c'est-à-dire en Ogaden. Et au Kenya. Ouais, ouais. Mais déjà, les premiers signes inquiétants apparaissent. L'État est trop faible et les clans trop puissants. Je ne sais plus qui a parlé de nation éclatée. C'est très juste. Et cette division atteindra son comble dans les années 90. La deuxième raison, elle n'est pas propre à la Somalie, hein, c'est la corruption grandissante des dirigeants. Ouais. J'imagine que, comme dans d'autres pays, ça va se terminer par un coup d'État. Bien entendu. Mmh. Un général, Siad Barré, s'empare du pouvoir. Et c'en est fini de la démocratie et de la liberté de la presse. Mais la population accueille plutôt favorablement ce putsch, car le nouveau pouvoir est résolu à en finir avec la corruption. Ouais, il tiendra parole ? Au début, en tout cas. Ouais. Dans cette nation éclatée, il est difficile de lutter efficacement contre les trafics en tout genre. En tout cas, Siad Barré, comme la plupart des militaires qui s'emparent du pouvoir, s'occupe en priorité de renforcer l'armée. Mmh. Et idéologiquement, où se situe-t-il ? À gauche. Barré entend expérimenter dans son pays ce qu'il appelle le socialisme scientifique. Ouais, ça veut dire le marxisme ? Oui, et presque naturellement, le dirigeant somalien fait appel à l'URSS. Non, mais pour quelle raison ? Pour moderniser son armée, par exemple ? En particulier, oui. L'aide soviétique est massive et l'armée somalienne devient rapidement l'une des plus redoutables de la région. Oui, mais en contrepartie, alors, qu'offre la Somalie à l'URSS ? Une base aéronavale, à Berbera exactement, c'est-à-dire juste en face d'Aden et pas très loin de Djibouti. Donc, un endroit stratégique, puisqu'il est à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb. Oui, ça, c'est le détroit qui contrôle l'accès à la mer Rouge. C'est ça, oui. Ouais. Alors, grâce aux Soviétiques, vous me dites, Siad Barré possède une puissante armée, hein ? Mm-hmm. Bah, est-ce qu'il va être tenté de s'en servir ? Bah, c'est évident, mais je vais vous expliquer. Mais auparavant, je voudrais quand même souligner le fait que Barré mange à plusieurs râteliers. Oui, ça veut dire ça, pas seulement aux râteliers soviétiques. Oui. Ouais. La Somalie a gardé des liens très étroits avec l'ancienne puissance colonisatrice, l'Italie. Et notre voisin ne lésine pas sur les subventions et les aides financières. Ouais, pourquoi cet empressement Bah, les Italiens ont gardé des intérêts en Somalie. Mmh. Et la mafia aussi, bien sûr. Ah ouais. Mais cette manne permet surtout aux partis politiques italiens de se financer. Se financer, c'est-à-dire en détournant une partie de cette aide ? Oui, l'argent arrive à Mogadiscio, mais une partie retourne clandestinement en Italie. Ouais, c'est un système qui n'est pas propre à l'Italie, hein, effectivement, faut le rappeler, en hein, France aussi, l'aide aux pays africains francophones a servi à nourrir grassement les partis au pouvoir, en accroissant d'autant la corruption des dirigeants autochtones africains. Mmh. Alors, revenons à cette redoutable armée somalienne. Quand Siad Barré va-t-il être tenté de l'utiliser ? En 1977. Il lance ses troupes à l'assaut de l'Ogaden. Donc contre l'Éthiopie. Oui, et c'est une erreur considérable. On peut d'ailleurs y voir la source de tous les désordres qui vont ensanglanter la Somalie jusqu'à nos jours. Tous les désordres, racontez. En Éthiopie, en 1974, une révolution a porté au pouvoir des militaires marxistes commandés par le colonel Mengistu. Mmh. Donc marxiste comme Siad Barré, au fond. Oui, mais l'idéologie n'a rien à voir à l'affaire. C'est le sentiment nationaliste qui le guide. Mmh. L'URSS doit être embarrassée par cette lutte fratricide. Tout à fait. Et Moscou doit choisir son camp. Bah et oui. Après avoir longtemps hésité, le Kremlin choisit de soutenir Mengistu. Mais contre Barré, donc. Oui, c'est ça. Oui, oui, mais enfin, pourquoi l'un plutôt que l'autre ? Ben, Mengistu doit paraître plus fiable et l'Éthiopie est un pays plus grand et beaucoup plus peuplé. Le résultat, en tout cas, c'est que les Éthiopiens, armés par les Soviétiques et aidés par des bataillons cubains, vont infliger une défaite cuisante aux troupes somaliennes. Ouais. Et réaction des dirigeants somaliens ? Bah, Barré, furieux, humilié, et il décide aussitôt de chasser les Soviétiques de leur base aéronavale de Berbera. Mais ça signifie aussi qu'il renonce à l'aide de Moscou. Et au socialisme scientifique, je pense. Mais naturellement, c'est pour cela que je vous ai dit que l'idéologie avait peu d'importance en l'affaire. Siad Barré tourne donc brutalement kazakh. Ça veut dire qu'il se tourne vers les Américains ? Bah, évidemment. Mais à Washington, on est très prudent. Mais pourquoi ? À la suite de l'échec de l'Ogaden, l'image personnelle du dictateur Siad Barré est très démonétisée, si je puis dire. Et puis, nul n'ignore que la Somalie est un pays qui est un gouffre à subventions. En outre, dès la défaite, les premiers signes de division apparaissent au sein même du pays. Ouais. D'un autre côté, il y a la perspective de remplacer les Soviétiques Berbera, c'est ça ? Exactement. Ouais. C'est pourquoi les États-Unis décident d'accorder leur soutien aux Somaliens. Un soutien timide, mais réel. Et ce faisant, ils vont se trouver entraînés malgré eux dans le chaos somalien. La Somalie de Siad Barré. Voici comment l'analyse Gérard Prunier, chargé de recherche au CNRS. composé à 70% de nomades étroitement structurés par les appartenances lignagères et de surcroît, le point est fondamental, totalement désarticulé par une monstrueuse perversion de ces mécanismes de fonctionnement traditionnels aux mains du général Siad Barré, la société somalienne était atteinte d'un cancer éthique et social. Depuis 1977 et jusqu'à sa chute en 1991, le dictateur n'avait cessé de jouer sur deux tableaux, présentant alternativement son régime comme l'incarnation d'un ordre transclanique moderne et en même temps continuant à maquignonner des arrangements claniques officieux, à jouer sur les solidarités lignagères et à pervertir les mécanismes de régulation de la société traditionnelle. Et d'après ce chercheur, au cœur de la question somalienne, il y a la question de l'unité nationale. Ce mythe dévastateur se fondait sur une constatation simple. Les Somalis, non seulement en Somalie, mais même en Éthiopie, au Kenya ou à Djibouti, ne forment qu'un seul et même peuple, partageant la même langue, la même religion et la même culture. Cette réalité avait abouti dans les années 60 et 70 à un irrédentisme agressif, cherchant à réunir tous les Somalis au sein d'un même État. Or, la structure même de l'État somali se délitait au fur et à mesure que la revendication irrédentiste se développait. Fuyant dans l'imaginaire, les Somalis réclamaient avec d'autant plus de virulence d'être réunis avec leurs frères vivant hors de leurs frontières qu'ils s'entendaient de plus en plus mal à l'intérieur de celles-ci. Le mythe s'effondra avec la défaite de 1978 face à l'Éthiopie et l'immédiate montée en puissance des antagonismes classiques chez les vaincus qui atteignirent leur paroxysme à partir de 1988. Ce texte de Gérard Prunier a été publié dans le journal Le Monde Diplomatique en novembre 1993. Dans les années 80, les choses vont aller de mal en pis. C'est le morcellement clanique. Oui, chaque clan se structure autour d'un parti politique et pour simplifier la situation, il y a aussi des clans à l'intérieur des clans. Oui, des sous-clans. Si on peut dire. En outre, on va voir prospérer l'islamisme. Ouais, c'est un autre clan, ça. Des clans, plutôt, car plusieurs mouvements vont apparaître, le plus important étant El Tidad, une organisation radicale qu'on dit très proche d'Al-Qaïda. Elle a d'ailleurs été récemment placée par les États-Unis sur la liste des mouvements terroristes. Mmh. Il faut ajouter que déjà, à la fin du 19e siècle, un certain Mohamed Abdullah, qu'on appelait le Mollah fou, avait soulevé les Somalis contre les Britanniques au nom de l'islam. Le Mollah fou, oui. Il y a donc une tradition islamiste. Oui, et comme dans d'autres pays, ce sentiment a été encouragé et financé par l'Arabie Saoudite. Mmh. Mais vraiment, quelle est la réelle importance de l'islamisme en Somalie ? Dans un pays aussi désorganisé, il est difficile de donner des informations précises. Mais il me semble bien qu'au fil des années 90, le courant islamiste a pris de plus en plus d'importance. Il y a même des quartiers de Mogadiscio où la charia a été imposée. D'autre part, les islamistes ont essaimé grâce à de multiples organisations caritatives. Ouais, au fond, comme en Afghanistan, au Pakistan... Oui, en outre, ce sont les islamistes qui ont pris en main les douanes ou le trafic portuaire encore existant. Ouais. Ils sont de revenus, évidemment. Ça, hein. Oui. Dans cet état en lambeau, on se taille les fiefs que l'on peut et on rapine tout ce qu'on trouve. Mais revenons quand même aux sources de cette désagrégation. Je vous ai dit que chaque clan a son parti politique. Ça ne suffit pas. Pour exister, pour affronter le voisin, pour lui faire peur, il faut aussi disposer d'une milice armée. C'est ainsi que dans les années 80, on voit se créer nombre de petites armées. Des armées privées, en quelque sorte. Oui, je suis sûr que vous avez gardé en mémoire l'image de ces jeunes types dépenaillés, armés jusqu'aux dents et montés sur des pick-up équipés de mitrailleuses. Ouais. Des Mad Max, comme ils appelaient leurs véhicules. Ces voyous vont terroriser la population somalienne pendant des années. Il n'y a donc plus d'État du tout. Cet effondrement est progressif, mais il va s'accélérer à partir de 1988, quand au nord, l'ancien Somaliland des Britanniques revendique son indépendance et décide de faire sécession. Siad Barré, qui sent le pouvoir lui échapper, réagit avec une extrême violence. La principale ville du Somaliland, Hargeisa, est bombardée. On comptera plus de 50 000 morts, et des centaines de milliers d'habitants doivent fuir. Un massacre ? Oui. Et un massacre parfaitement inutile, puisque aujourd'hui encore, le Somaliland est pratiquement indépendant, même si cette indépendance n'est pas reconnue par l'ONU. Naturellement, cette affaire exacerbe encore un peu plus les rivalités entre les différents clans dans tout le pays. faut bien sûr tenir aussi compte des interventions étrangères. Des interventions directes ? Non, non, j'ai déjà parlé de l'Arabie Saoudite qui subventionne les islamistes, mais d'autres pays choisissent d'aider tel ou tel clan. La Libye, par exemple, met son grain de sel dans cette affaire et l'Éthiopie ne reste pas inerte. Bien sûr, à cause de l'Ogaden. Bien entendu. Ouais. Les Éthiopiens n'ont pas oublié l'agression somalienne contre leur province. Ils ne sont pas fâchés de voir leurs voisins se déchirer, mais on pourrait aussi parler du Soudan. Ouais. Et la communauté internationale, alors, est-ce qu'elle assiste à ce désordre et à cette catastrophe prévisible sans réagir ? Pratiquement. On se contente d'envoyer des secours et de l'argent. Dans ces années-là, la Somalie est le pays le plus assisté de l'Afrique subsaharienne. Assisté par qui ? Les organisations internationales et l'Italie. Elle aurait versé plus d'un milliard de dollars aux Somaliens. Les Italiens, là. Oui, ouais. Des sommes énormes qui ont surtout servi à acheter des armes. De toute façon, la plupart du temps, cette aide a été détournée, pillée, et les organisations humanitaires présentes sur place ont dû faire face aux pires difficultés pour soigner ou donner à manger aux populations en danger. À cause des luttes armées entre les factions. Oui, la plupart du temps, les ONG n'ont même pas pu accéder aux lieux où se sont réfugiés les exilés qui fuient les combats. Et les Américains, alors, parce qu'ils sont installés dans cette base aéronavale autrefois occupée par les Soviétiques. Ils sont très circonspects et ils laissent faire. Mais pourrait-il en être autrement ? Il ne faut pas oublier non plus qu'à la même époque, les États-Unis sont engagés dans la guerre du Golfe. Bref, ils n'ont pas très envie de s'enliser dans le bourbier somalien. Alors la situation semble sans issue. Hein ? Et ça va encore s'aggraver au début de l'année 91. Que se passe-t-il à ce moment-là ? La guerre civile semble alors généralisée. Et Siad Barré est chassé du pouvoir. Ça aurait pu être une occasion de refaire l'unité nationale ? Ah, bien au contraire. Car les deux hommes qui ont contribué à sa chute vont aussitôt s'affronter. Qui sont-ils, hein, ceux-là ? Le premier, Ali Mahdi Mohamed, est un riche homme d'affaires. Le deuxième est un général, Mohamed Farah Aidi, commandant la garde présidentielle jusqu'à la chute de Siad Barré. Il était donc bien placé pour le chasser, celui-là. Tout à fait. Oui. Ouais. Ces deux hommes, qui appartiennent pourtant au même clan, s'engagent dans une lutte à mort. C'est une lutte pour le pouvoir. Oui, Mahdi se proclame président par intérim d'un gouvernement provisoire, ce que conteste aussitôt le général Aidi. Et la guerre civile redouble d'intensité. On se bat à l'intérieur même de la capitale, Mogadiscio. Mais je reviens à ma question précédente, là. Devant cet état de fait, la communauté internationale ne réagit pas. L'ONU fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire qu'elle engage les adversaires à discuter au lieu de se battre. Son secrétaire général, Boutros-Ghali, prend l'initiative de convoquer une conférence nationale. Mais au même moment, on continue à se battre dans Mogadiscio. Un échec, donc. Oui. Mahdi et Aidi ont beau signer un accord au début de l'année 92, ce n'est pour eux qu'un chiffon de papier qui ne représente rien et dont ils ne sont pas décidés du tout à respecter les termes. Ils ne l'ont signé que sur insistance de l'ONU. Et ici, il me faut faire une parenthèse. Je vous en prie, je vous écoute. Hein. Cet accord imposé par les Blancs n'a aucune valeur, parce qu'il ne correspond pas à la tradition somalienne. Je vous le rappelle, avant l'indépendance, la Somalie n'existait pas. Oui, l'État somalien, vous voulez dire. Bien sûr. Oui. Il y a toujours eu des affrontements entre les différents clans de ce pays morcelé, mais les Somalis avaient une manière bien à eux de faire la paix. Ah bon, ça avait une méthode, là. Oui. Eh bien, les chefs ennemis se réunissaient et commençaient à discuter, la palabre. Ça pouvait prendre des mois. On parlait de tout, de rien, on évoquait les ancêtres, les guerres lointaines. On récitait même des poèmes. Des poèmes. Oui, oui. Et finalement, ça se traduisait par un accord qui était généralement respecté, car il en allait de l'honneur des uns et des autres. Ah, une bien belle tradition. Mais était-elle encore d'actualité alors que la guerre civile ravageait tout le pays ? Vous avez sans doute raison, mais si je vous ai raconté cela, c'est pour vous dire qu'on ne pouvait rien espérer d'un accord signé à la va-vite. Mais c'est-à-dire que selon vous, il fallait agir autrement. Ouais. Et très vite. Pas de parlotte, mais des actes. Oui, car le désastre est très proche. Ces luttes entre factions coïncident en effet avec une terrible disette. On estime que 300 000 Somaliens meurent entre 1991 et 1992. Et dans la deuxième moitié de cette même année, alors que l'opinion internationale commence enfin à prendre conscience du drame qui se joue là-bas, 2 millions de Somalis sont menacés par la famine. Monsieur X a passé rapidement sur la chute du président Siad Barré en janvier 1991. Je vous propose d'y revenir un instant car la fuite du dirigeant somalien a été précédée par une véritable guerre dans la capitale Mogadiscio. Auparavant, il faut le noter, les puissances occidentales avaient pris soin d'évacuer en catastrophe leurs ressortissants et donc de laisser face à face les belligérants qui vont s'affronter pendant 27 jours. Et voici ce que je lis dans Le Monde du 4-5 février 2001 sous la signature de Stephen Smith. La chute de Siad Barré s'est produite à huis clos. En janvier 1991, les yeux du monde étaient braqués sur le Koweït envahi par l'Irak de Saddam Hussein. Après 5 mois de crise de nerfs, la guerre du Golfe éclatait. Sur les écrans de télévision, on vit le décollage en rafale des avions de combat occidentaux, les fusées traçantes dans le ciel nocturne de Bagdad. Il était question de frappes chirurgicales, d'armes propres et intelligentes. Depuis la fenêtre de leurs hôtels à Dharan, des centaines de journalistes relevaient l'absence de vrais morts. Pour en voir, par milliers, il eût suffi qu'ils franchissent le Bab El Mandeb, la porte des pleurs. À Mogadiscio, sur l'autre rive du golfe d'Aden, le général président Barré faisait donner pendant 27 jours l'artillerie lourde sur sa capitale. Au plus fort des bombardements, le nombre des blessés nécessitant une intervention d'urgence, souvent une amputation, dépassait la centaine par jour. Nul ne songea à compter les morts. Les images télévisées de tous ces milliers de Somaliens affamés ont précipité l'action de la communauté internationale. Incontestablement. Soudain, toutes ces images, toutes ces photos sont devenues insupportables. Oui, mais concrètement, ça s'est traduit comment? Rappelez-moi. L'ONU a d'abord décidé d'envoyer une mission en Somalie. Il s'agissait de fournir au pays une aide alimentaire massive. Mais on s'est bien vite rendu compte que cette aide n'arrivait pas jusqu'aux populations auxquelles elle était destinée. Alors, dans un deuxième temps, l'ONU a envoyé des centaines de gardes de sécurité armés pour protéger les gens qui acheminaient cette aide alimentaire. Et ça a suivi? Non. Non, les attaques contre les convois humanitaires ont continué. Il fallait donc, si on voulait être efficace, passer à l'étape supérieure. Et là, les États-Unis vont jouer un rôle considérable. Oui, pourtant, vous m'avez dit que jusque-là, hein, ils s'étaient bien gardés d'intervenir, alors même qu'ils avaient une base dans le pays. C'est tout à fait exact, oui. Et ils vont s'engager avec une détermination au moins aussi forte que l'avait été leur peu d'enthousiasme à se mêler des affaires somaliennes. Pourquoi ce changement, alors? Il y a plusieurs raisons. Je vous expliquerai, mais d'abord, voyons les faits. Au début du mois de décembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise les États-Unis à prendre la tête d'une opération militaire d'urgence en Somalie. Oui, c'est l'opération Restore Hope. Oui, les Américains forment le gros du contingent de 40 000 hommes qui vont débarquer en Somalie. Il y avait aussi des Français, je crois, non? Des légionnaires, oui, mais ce sont les Américains qui sont les plus nombreux et ce sont eux qui commandent. Leur débarquement, filmé en direct, est impressionnant. Oui, Hollywood n'aurait pas fait mieux. Oui, c'est juste. Les marines n'ont parfois dû écarter les journalistes pour pouvoir débarquer sur la plage. Mais enfin, ça n'est qu'un détail. Attendez, il y a quand même une volonté derrière. Bien sûr, les États-Unis font étalage de leurs forces. Ouais, ils veulent que ça se sache. En tout cas, au début, ça ne se passe pas trop mal. Et fin décembre, on verra même les deux ennemis, Mahdi et Haïdi, signer un accord général de paix. Mais ça va très vite se gâter. Attends, avant de voir la suite, là, quelle est exactement la mission confiée aux États-Unis? Oui, vous avez raison de poser cette question, car elle dissimule une réelle ambiguïté. Pour Washington, il s'agit avant tout d'une opération humanitaire. George Bush dira même qu'il faut effectuer là-bas le travail de Dieu. Pas moi. Non. Alors finalement, George Bush Jr. est vraiment le fils de son père. Il est difficile de vous le cacher. Non, mais plus sérieusement, les Américains sont en Somalie pour donner à manger aux affamés. Et maintenir la paix quand même. C'est-à-dire empêcher les combats entre factions rivales, mais pas plus. Et en évitant surtout de prendre des risques. Mais pas de pertes. Oui. Or, pour le secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, ça n'est pas suffisant. Mais que veut-il alors? Il souhaiterait que les Américains désarment les milices. Le seul moyen pour lui d'éviter que la guerre civile ne se poursuive tôt ou tard. Alors, il y a des accords, en tout cas. Exactement. Et ça pèsera lourd dans la suite des événements. Mais je ne mets pas forcément en cause la position américaine, car l'ONU aussi va commettre de lourdes erreurs. Bon. Alors, voyons la suite. Il y a toute une série de discussions entre les factions. Oui, sous l'égide de l'ONU. Oui, mais pour de multiples raisons, ce sont encore des chiffons de papier que l'on signe. Sans valeur, donc. De son côté, le général Haïdid entreprend, lui, de négocier à la Somalie. Oui, selon la tradition que vous avez expliquée. Ça commence à donner des résultats, mais l'ONU, qui l'avait d'abord soutenu, change de cap. Pour son représentant en Somalie, ces discussions initiées par Haïdid sont non autorisées. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il est clair que l'ONU entend être le maître d'œuvre de la paix. En fait, les Nations Unies désirent, sans le dire, imposer une véritable tutelle en Somalie. Haïdid, bien sûr, réagit mal et dit que l'ONU s'occupe de l'aide humanitaire, mais la paix, c'est l'affaire des Somaliens et d'eux seuls. Ouais. Et les Américains dans tout ça? Ils sont déjà repartis. Ah bon? Pas tous, mais enfin beaucoup. Il restera à peu près 4000 Marines en Somalie. Le président Clinton, qui vient de s'installer à la Maison-Blanche, estime en effet que l'opération Restore Hope est un succès et que la présence des forces américaines n'est plus nécessaire. D'ailleurs, elles vont être rapidement remplacées par des casques bleus. À l'exception quand même de ces 4000 Marines, hein? Oui, enfin vous allez le voir, le désengagement américain va être de courte durée. En effet, le conflit entre l'ONU et le général Haïdid va s'envenimer. Et bientôt, pour le contingent international, Haïdite devient l'ennemi, l'empêcheur de faire la paix, l'homme qu'il faut abattre à tout prix. Ça signifie que l'ONU avait en quelque sorte choisi son adversaire. Tout à fait ça, et elle prenait parti en décidant de désarmer unilatéralement les forces d'Haïdite. Ce dernier répond à sa façon brutale au début du mois de juin. Les membres de sa milice tentent une embuscade à un détachement de casques bleus. 24 d'entre eux, des Pakistanais, sont tués. L'ONU réagit en ordonnant la poursuite et l'arrestation du général Haïdite. Sa tête sera même mise à prix. C'est l'engrenage. Oui, c'est une véritable guerre qui s'engage entre les forces de l'ONU et les partisans du général. Et les Américains, qui reçoivent le renfort de troupes spéciales, vont se trouver en première ligne dans ce combat et multiplient les opérations offensives. Et il y aura pas mal de bavures. Ouais, inévitablement. Mais si je ne me trompe, attendez, c'est quand même une première pour l'ONU. Jamais encore des casques bleus n'étaient intervenus par la force, comme ça, dans les affaires intérieures d'un pays. Hein. C'est juste, jusque-là, ils s'étaient contentés d'être des médiateurs. Oui, ils s'interposaient, quoi. Oui. Ouais. L'aboutissement, ce sera le fiasco d'octobre 93. Au cours d'un violent affrontement avec les forces du général Haïdite, 18 soldats américains de la force Delta sont abattus. Et on verra ce cadavre d'un GI traîné dans les rues de Mogadiscio derrière un pick-up. Une image choc. Hein. Ouais. Et qui soulève aussitôt une grande émotion aux États-Unis. L'émotion est aussi l'humiliation. Après ce tragique événement, Washington décidera d'abandonner la Somalie. En mai 94, le dernier soldat américain aura quitté le pays. Et si je me souviens bien, les casques bleus finiront par faire de même. Hein. En 1995, oui. Ouais, et sans avoir rien réglé, puisque tout de suite après leur départ, des luttes entre les factions vont reprendre. Et n'ont d'ailleurs jamais vraiment cessé. Alors, le bilan de tout ça, c'est catastrophique. Et la Somalie est aujourd'hui toujours plongée dans la plus grande anarchie. Quant au pays, il est totalement exsangue. Mogadiscio, par exemple, qui était une très belle ville, n'est plus qu'un champ de ruines aux mains des islamistes. Alors, voyons pour terminer, enfin, pourquoi les États-Unis se sont engagés si résolument dans cette affaire avant d'abandonner tout aussi vite? Il y avait d'abord des raisons de politique intérieure. En 1992, aux États-Unis, la campagne présidentielle battait son plein. Et en venant au secours de tous ces affamés, George Bush se donnait incontestablement le beau rôle. Oui, le travail de Dieu. Oui. Ouais. Ça plaisait à l'opinion américaine. Et Clinton, qui lui a succédé, n'a fait que suivre. Ouais. Électoralement, ça n'a quand même pas servi suffisamment à Bush. Hein. C'est juste. Alors, comment expliquer que Clinton, le vainqueur, ait renvoyé des renforts en Somalie après s'être d'abord désengagé? Pour les mêmes raisons qui avaient poussé Bush. Au bout de quelques mois de pouvoir, sa cote de popularité s'effondrait déjà. Alors, il a essayé de remonter la pente en envoyant des troupes d'élite en Somalie, c'est ça? Pour y faire la paix, avec le succès qu'on a vu. L'autre raison est plus sérieuse. Au cours de la guerre du Golfe, les Américains venaient de prouver au monde entier qu'ils pouvaient très efficacement mener la politique du bâton. Ouais, on l'a vu. Ouais. Ouais. Et ils désiraient aussi faire savoir qu'ils savaient aussi manier la carotte. Et puis encore plus profondément pour Washington, il s'agissait de montrer que les Américains étaient capables d'intervenir n'importe où sur la planète. Oui, qu'ils étaient désormais les maîtres du monde. Les leaders incontestés, en tout cas, surtout après la fin de la guerre froide. Et la rivalité qui les a opposés à l'ONU dans cette affaire est symptomatique. Les États-Unis voulaient bien collaborer avec l'ONU à condition de la contrôler. Enfin, la dernière raison ne vous étonnera pas, puisque nous avons déjà souligné l'importance stratégique de la Somalie, qui est une sorte de pont entre le monde africain et le monde arabe. Et puis, il y avait peut-être aussi pour les États-Unis l'islamisme, non ? Effectivement. Nous avons vu récemment que les États-Unis avaient plutôt favorisé l'émergence du mouvement islamiste. La Maison-Blanche ont commencé à se dire qu'on avait peut-être joué avec le feu, et qu'il convenait de surveiller tous ces activistes. Mais enfin, il était déjà trop tard, et les émules de Ben Laden sont toujours plus nombreux en Somalie. Alors, vous croyez que les États-Unis interviendront en Somalie pour traquer les réseaux Ben Laden ? Ça, je ne sais pas. Mais il ne serait pas étonnant qu'ils demandent à leurs alliés éthiopiens de faire le boulot à leur place. Les conséquences de cette affaire somalienne ont été particulièrement importantes. Selon Pierre Mélandry et Justin Weiss, auteurs chez Odile Jacob d'un livre intitulé « L'Empire du milieu, les USA et le monde depuis la fin de la guerre froide », l'administration américaine a fait volte-face en revenant à une politique isolationniste. Dans sa hâte à se protéger, celle-ci n'hésita pas en effet à répudier une politique onusienne qu'elle avait impulsée. Ce n'était pas, devait déclarer le 7 octobre, le président des États-Unis, le rôle de son pays de reconstruire la société somalienne. Allant encore plus loin, Washington renversa d'un seul coup toute sa stratégie. Le maintien de la paix n'est pas au centre de notre politique étrangère ou de sécurité, affirmait Anthony Lake en février 1994. Jusqu'ici, le Conseil national de sécurité avait préparé une directive présidentielle destinée à ouvrir la voie à une expansion rapide des opérations de l'ONU et à une coopération militaire américaine accrue. Un soutien à une armée permanente de l'organisation, sous le commandement de laquelle des unités américaines pouvaient être placées, n'était même pas exclu. Le texte fut hâtivement revu, publié en mai 1994. La version finale mettait l'accent sur l'incapacité des Nations Unies à instaurer la paix dès lors que les parties en conflit la rejetaient et multipliaient les conditions hors lesquelles une participation américaine à ces opérations ne pourrait être envisagée. Et d'après ses auteurs, ce revirement explique pourquoi, en 1994, les États-Unis ont refusé d'intervenir au Rwanda pendant qu'il en était encore temps.